Jean Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous. Voici les grands titres de ce journal. Nous sommes le 30 mai 2017. La plupart des Burundais natifs de Makamba qui s'étaient réfugiés en Tanzanie sont rentrés, selon le gouverneur de cette province, qui explique que c'est la raison pour laquelle le mouvement des Burundais rentrant de ce voisin de l'Est a diminué. Et le président du groupe parlementaire Amizero Y'Abarundi se réjouit de la libération la semaine dernière de certains de leurs militants, mais déplore dans le même temps le fait qu'ils sont souvent arrêtés pour des infractions non inscrites dans le code pénal burundais. En actualité africaine et sous-régionale, le parti au pouvoir en Afrique du Sud demande une enquête pour corruption au sommet de l'État. Et en République démocratique du Congo, l'information est désormais officielle depuis hier. L'Union européenne prend des sanctions contre 9 responsables du régime Joseph Kabila, dont le très redouté chef de l'Agence nationale des renseignements congolais, Kalev Mutonde. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour ou rebonsoir, selon votre zone d'écoute, plus d'une vingtaine d'officiers de la Force de défense nationale viennent d'être révoqués de ce corps. Un décret du président de la République daté du 26 mai courant explique qu'ils sont révoqués pour cause de désertion à l'extérieur du pays. Il s'agit de 2 lieutenants-colonels, 16 du grade de major, ainsi que 5 capitaines. L'emprisonnement arbitraire est déplorable. C'est par ces propos que le président du groupe parlementaire Amizero Y'Abarundi exprime son soulagement après la libération la semaine dernière de 8 sympathisants d'Agathon Rwasa après 3 mois de détention à la prison centrale d'Ngozi. Pierre-Célestin Ndikumana regrette le fait que les partisans de Rwasa sont souvent arrêtés pour une infraction qui n'est pas inscrite dans le code pénal. Suivez. La libération de ces gens est quand même appréciable, mais nous regrettons bien sûr l'état d'injustice qui est observable dans notre pays. Et ça, c'est un cas. C'est pour le cas d'espèce. Les gens ont croupi dans la prison centrale d'Ngozi pendant plus de 3 mois. Ils viennent d'être relâchés avec une amende de 20 000 francs. C'est vraiment regrettable que les gens croupissent dans les prisons et endurent des souffrances pour rien. Et priver la liberté à un innocent est pour moi un crime. Répréhensible à l'instar d'autres crimes. Vous imaginez 3 mois de privation de liberté pour une affaire de montage sans nom. Par rapport à ces amendes-là, c'est inimaginable. Où est-ce qu'on tire ces références pour imposer des amendes de la sorte? En tout cas, les références juridiques où on tire ce genre d'amendes, c'est pas le code pénal burundais. Quelles sont les sanctions ou les références prévues par la loi burundaise qui réprime les prétendues réunions aux lois dont on parle souvent. Mais par contre, la loi prévoit la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté d'opinion. Et la constitution garantit à cet effet à tout Burundais à vivre à l'abri de la peur. Mais ce que nous observons aujourd'hui, je dirais que c'est la chasse à l'homme. Dernièrement aussi, on a tenu une réunion. Un administratif a fait tenir une réunion sur la colline Gweza avec une personne de grande importance, natifs de la localité, où ils ont décidé de traquer les FNL, pro-Gwassa, de les emprisonner, de chercher par tous les moyens pour qu'ils soient emprisonnés. C'est pas seulement les gens d'Ngozi injustement incarcérés, il y a aussi à Makamba. 8 personnes viennent de passer plus de 3 mois aussi à la prison centrale de Lumonge. Mais pour quelle raison? Justement, après avoir participé au deuil d'un ami. Est-ce que les membres d'Amizero Y'Abarundi ne sont pas des Burundais comme d'autres qui peuvent être poursuivis lorsqu'ils ont commis des infractions? Bien sûr que oui. Il faut séparer les choses. Si un membre d'Amizero a commis un forfait, un crime, c'est condamnable et la justice doit faire son travail. Mais hélas, ce que je suis en train de vous dire maintenant, ce sont ces injustices, ces manipulations de la justice. Nous demandons que nos gens soient libérés et de façon inconditionnelle parce qu'ils croupissent dans des prisons injustement. Nous comptons plus de 180 prisons centrales de Mpimba, à Bujumbura. Nous comptons plus de 80 à Ngozi, pour ne citer que cela. Le président du groupe parlementaire Amizero Y'Abarundi, Pierre-Célestin Ndikumana, répondait aux questions de Charles Makoto. Et un certain Nahizaniye Jean-Marie de Mounini en commune et province de Bururi est sous les verrous à Bururi depuis l'après-midi de ce lundi. Il est accusé d'avoir assassiné sa femme il y a près d'une semaine. Le corps de la victime a été découvert dans un boisement de la colline Mouzima en commune et province de Bururi l'après-midi de ce dimanche. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Après l'enterrement de Virginie Akimana l'après-midi de ce lundi, Nahizaniye Jean-Marie, son mari, a été arrêté puis conduit au cachot de la police de Bururi. Selon des sources policières à Bururi, la police a soupçonné cet homme d'avoir lui-même tué sa femme et disparu le 23 mai courant et son corps a été découvert l'après-midi de ce dimanche dans le boisement de Rubanga, sur la colline Muzima, alors qu'ils sont décomposés déjà. Certains parmi les habitants de Muzima qui ont vu son corps disent que la victime a été poignardée dans un autre endroit et son corps a été jeté dans son boisement, car selon eux, il n'y avait pas de traces de sang sur place. Selon ces mêmes sources, Nahizani et Jean-Marie reconnaît que sa femme est partie rendre visite à sa famille d'origine le 23 mai courant et il l'a même accompagné et depuis, plus de traces. La police à Bururi dit enquêter pour savoir si cet homme, dont la cohabitation avec sa femme n'était pas des plus bonnes, ne serait pas lui-même auteur de son meurtre, puisqu'il n'a pas informé l'administration locale ou la police que sa femme avait disparu pendant toute cette période. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Isanganiro. Le mouvement des Burundais qui reviennent de la Tanzanie en passant par la province Makamba a diminué ces derniers jours, selon le gouverneur de la province Makamba, Gad Niyukuri, qui dit que la plupart des natifs de cette province sont déjà revenus. Il dit avoir accueilli à peu près 44 000 sur les 50 000 qui étaient partis en Tanzanie. Ceux qui sont revenus déplorent les mauvaises conditions de vie dans les camps, mais aussi à leur arrivée dans le pays pour manque d'assistance. L'organisation Action Burundaise pour la reconstruction de l'Afrique promet qu'il va bientôt assister ces Burundais qui reviennent de l'exil pour permettre un bon rapatriement. Aubin Niyonguru. Yvonne Niyonsaba vient de rentrer de la Tanzanie. Nous la retrouvons au chef-lieu de la commune de Mabanda. Elle déplore les conditions de vie dans le camp des réfugiés de Nyarugusu. La ration alimentaire qu'elle recevait par mois avait été réduite jusqu'à 4 fois. Arrivée au Burundi, elle déplore aussi le manque d'assistance. Je vis tant bien que mal. Je peux passer toute une journée sans rien mettre sous la dent. Les voisins peuvent parfois m'appeler pour partager le repas. Le soir, il y a d'autres qui me donnent de la nourriture. Au niveau communal et provincial, les autorités indiquent qu'ils n'ont pas de moyens pour assister ces rapatriés. Le gouverneur de la province Makamba dit qu'ils font recours aux organisations humanitaires. Gade Niyukuri souligne toutefois que le mouvement de Burundais qui rentre connaît aujourd'hui une régression. Jusqu'à maintenant, dans notre province, nous avons accueilli plus de 44 500 personnes retournées, dont à peu près 50 000 personnes se sont parties en Tanzanie pendant les manifestations. Et jusqu'à présent, je vois qu'en Tanzanie, il reste quelques peu de gens. Cette autorité provinciale dit que l'administration manque néanmoins les moyens pour assister ces rapatriés ou les Burundais qui sont refoulés de la Tanzanie. L'organisation ABBA, Action Burundaise pour la reconstruction de l'Afrique, promet d'appuyer dans ce domaine pour apporter de l'assistance à ces Burundais rapatriés. Ce projet, nous l'avons initié parce que nous voyons qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer, qui rencontrent beaucoup de problèmes, ou beaucoup arrivent ici, mais réduits, et puis nous voulons aussi les transférer dans leurs communes, selon les moyens, une fois par semaine, pour que ces rapatriés puissent rentrer en dignité. Le gouverneur de la province de Makamba, Gade Niyukuri, en appelle aussi à d'autres organisations humanitaires à œuvrer pour aider l'administration à la prise en charge de ces Burundais rapatriés. Merci Aubin Niyonguru. On reste dans le sud du pays pour vous dire qu'une sensibilisation à l'endroit des familles se trouvant dans la réserve de Vianda est nécessaire pour une bonne protection de ces terres protégées. C'est ce que suggère aux autorités le porte-parole du ministère de l'Environnement. Omer Niyonguru indique que cela serait fait en attendant que ces familles soient installées ailleurs. Suivez Omer Niyonguru. On est au courant, ce n'est pas seulement les 300 ménages qui occupent les protégés de Kigutu. Et il y a aussi l'hôpital de référence de Kigutu. Il y a plusieurs possibilités qu'on est en train de voir. Ou bien on peut déplacer la population, délimiter l'endroit. Là aussi, c'est un problème. Ça demande des moyens colossaux. Ou bien on enseigne tous ces occupants la cohabitation avec la réserve. Dans ce cas, on fait une incentive à ne pas dépasser. D'après des informations recueillies, il y aurait un besoin de 4 milliards de francs pour aménager un village qui pourrait accueillir ces familles. Est-ce que le ministère de l'Environnement est à mesure de récolter cet argent? Je vous dirais que le ministère n'est pas au courant de cette étude de 4 milliards. D'abord, il faut comprendre que le ministère n'a pas de fonds à gérer. Le ministère n'a pas cette information. Une fois que cette information parviendra au ministère, et je vous le dis, on aura affaire. On va essayer de faire ce qui est mieux, non seulement pour la population, mais aussi pour cette partie protégée. C'était le porte-parole du ministère de l'Environnement, Omer Nyonguru, au téléphone avec Ali Dandaïkez. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. En Afrique du Sud, l'ANC, parti au pouvoir, demande une enquête pour corruption au sommet de l'État. Au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta entre en campagne, tandis qu'en République démocratique du Congo, on parle de 9 hauts responsables officiellement sanctionnés par l'Union européenne. Signe que l'organisation semble avoir pris la mesure des violences qui s'écoulent au Kasaï. La plupart de ces noms sont en lien direct avec cette crise. Léonce Vitalio. L'information est désormais officielle à partir de ce lundi 29 mai. L'Union européenne prend des sanctions contre 9 hauts responsables du régime de Joseph Kabila en RD Congo. Les noms avaient déjà commencé à circuler ce week-end selon le site de RFI. Parmi ces noms figure le très redouté chef de l'Agence nationale des renseignements congolais, Kalev Mutonde. Il y a aussi Evariste Boshab, l'ex-vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique jusqu'en décembre 2016, qui est considéré comme l'architecte de la répression qui frappe les Kasaï au centre du pays depuis août dernier. Idem pour l'actuel ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ramazani Shadari, responsable à ce titre de l'usage disproportionné de la force dans le Kasaï, selon l'organisation européenne. L'Union européenne n'a pas oublié non plus ceux qui, pour elle, entravent le processus démocratique, à commencer par le visage médiatique du pouvoir congolais, Lambert Mende. L'organisation régionale le considère comme le porte-parole de la politique répressive du gouvernement vis-à-vis des médias. Pour justifier ces nouvelles sanctions, l'Union européenne évoque de graves violations des droits de l'homme, des rapports faisant état de l'usage disproportionné de la force par les services de l'État, en particulier les forces de sécurité. En Afrique du Sud, le parti du président Jacob Zuma demande une enquête sur la corruption à la tête de l'État. Hier lundi, le secrétaire général de l'ANC a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur une possible collusion entre certains membres du gouvernement et les Gupta, amis du président Jacob Zuma. Depuis des mois, cette riche famille d'hommes d'affaires est accusée d'influencer le gouvernement pour servir ses affaires avec la complicité du chef de l'État. C'est le début de la course à la présidentielle au Kenya. Après Raila Odinga dimanche, c'était au tour d'Uhuru Kenyatta de revoir son certificat de nomination de la part de la commission électorale hier lundi, le déclarant officiellement candidat à sa réélection. Le convoi du président a traversé les quartiers populaires de Nairobi avant d'arriver au centre de conférence de la capitale où il a tenu un meeting. En axant son discours sur l'unité, Uhuru Kenyatta répond à l'opposition qu'il accuse de favoriser son groupe ethnique. Il a également demandé aux Kenyans de le réélire pour lui permettre de mener à terme sa politique de développement. Léonce Vitalio, c'est sur ces nouvelles brèves en actualité internationale que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.